pour... Quoi? C'est elle. Pour... Quoi? C'est elle. Car si il n'y a plus rien à faire... Pour tomber... Pour tomber vers les vivants... Comment ne pas vouloir se trahir? Car si il n'y a plus rien à faire... Car s'il n'y a plus rien à faire pour retomber vers les vivants, comment ne pas vouloir se trahir pour de là tout reconstruire et ainsi se prémunir du meilleur avenir. C'est donc pour ça que je ne te vois, je ne te vois, je ne te vois. Vois pas, je suis bloqué dans un logiciel sans fin. Je suis une erreur dans la demeure, un cargo dans le désert ou un palmier sur les glaciers. Je suis sans doute aussi la faille qui pourrait tout supprimer, qui pourrait se réinstaller pour se restaurer. Invitez-moi dans les décombres, invitez-moi où il y a de l'ombre, invitez-moi même dans le froid, invitez-moi comme je ne me vois, je ne me vois pas. Est-ce que l'on m'aidera quand j'en aurai besoin? Est-ce que l'on m'éteindra quand je ne pourrai plus, je ne pourrai plus rien? Est-ce que l'on me sciera pour que je tomberai moins? Est-ce que dans le feu je me régénérerai enfin? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Comme impressionné par tes doigts, je reste un peu en peur. Je suis l'erreur. Comme impressionné par tes doigts, je reste en peur, je reste en peur, je suis l'erreur, je reste en peur, je suis l'erreur. La la la la la la la la la la la la la. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum t